Le journal américain San Francisco Chronicle a présenté le Muséum de la Nature et le Zoo Central de la Corée, érigé à merveille comme centre de la vie culturelle et de l'enseignement du peuple.